Le 24 avril, le porte-parole du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée a publié une communication pour accuser les États-Unis de montrer plus ouvertement la nature de bandits et de se démener plus follement pour une guerre contre la République populaire démocratique de Corée. Il a dit « Si les États-Unis pensent intimider le peuple coréen, les ouvriers en premier lieu, par la menace et le chantage militaire, l'isolement et le blocus, la sanction et la pression plus intensifiés, c'est vraiment stupide. Les agresseurs nous menacent avec des porte-avions nucléaires et avions de combat furtifs, mais c'est une témérité. Toute sanction et tout embargo des ennemis n'ont aucun effet devant nous, prospères grâce à la capacité de nous renforcer nous-mêmes. Les États-Unis préparent frénétiquement l'opération d'élimination pour la suppression de notre direction avec de pléthoriques forces d'opération spéciales. Ce pays doit bien savoir que cette opération pourrait réussir à d'autres pays, mais que c'est tout à fait impossible dans notre pays où tous les militaires et civils, y compris les ouvriers, forment le mur par balles pour la défense de la direction de la révolution. Les agresseurs ne doivent pas se démener à la légère. L'héroïque classe ouvrière de la grande puissance Pakdusan fera échouer par les armes nucléaires de la justice et l'esprit de Malima la provocation d'une guerre nucléaire et la sanction des États-Unis et de leurs suivistes.